Bonsoir à vous, chers auditeurs de la radio Isanganiro, et bienvenue dans cette dernière édition en français de ce 21 juillet, dont voici les grands titres. La carence des devises suscite des remous. La Banque centrale accuse certains détenteurs de bureaux de change à vouloir gagner trop. De leur côté, les propriétaires des bureaux de change dénoncent l'existence d'échangeurs ambulants. Le pardon pour les élèves qui ont falsifié la photo du président de la République se trouvant dans les manuels scolaires, c'est le point de convergence des députés ce jeudi après la présentation du rapport d'une commission éducation à l'hémicycle de Kigobe. Le lac Tanganyika est menacé par des déchets qui s'y déversent provenant des canalisations qui passent par l'endroit communément appelé Kumase. C'est dans le quartier industriel de la zone urbaine de Ngagara. Et le reportage du jour nous conduira en commune Mutimbuzi de la province Bujumbura où certains habitants de Maramvia dénoncent ce qu'ils appellent la spoliation des terres dites paysannes par le directeur général du département de l'aménagement du territoire, ce que rejette Omer Niyonguru, ce directeur de département. Vous aurez les détails dans ce journal mis en onde par Albert Ndouayo. À la présentation, Mireille Kanyange, bienvenue. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Rebonsoir. Les élèves qui ont gribouillé sur la photo du président de la République méritent le pardon. Telle a été l'intervention de tous les députés ce jeudi après la présentation du rapport de la mission de travail de la Commission Justice et Droits de la Personne Humaine à l'Assemblée nationale. Cette commission travaillait sur le gribouillage des photos du président de la République dans les manuels scolaires. Les détails avec Célestin Blaise Ndiokubgayo. Après présentation du rapport sur la situation du gribouillage des photos du président de la République se trouvant dans les livres des élèves des classes de 8e et 9e dans certaines écoles du pays, 12 députés ont réagi. Dans leurs interventions, ces représentants du peuple, tous, tour à tour, sont revenus sur le mot « pardon ». En insistant, ils ont demandé au gouvernement de pardonner tous ces enfants accusés de ce gribouillage. À chaque intervention, le député motivait le pourquoi de ce pardon. Les raisons avancées sont notamment les différents traitements de ce cas de gribouillage à travers tout le pays où certains ont été emprisonnés au moment où les autres étaient libres, mais aussi les innocents qui ont été considérés comme les coupables. Ils ont indiqué que ces élèves sont des adolescents qui peuvent être induits en erreur par leurs camarades ou certains peuvent être manipulés par les politiciens ou encore ceux qui auraient participé aux récentes manifestations et qui auraient un comportement déplacé. Les députés ont expliqué que dans de pareilles situations, certains enfants sont calomniés ou accusés injustement par les autres. Ils ont alors émis certaines recommandations, comme celle de multiplier les manuels scolaires pour que chaque élève puisse avoir son livre, de multiplier les locaux des salles de classe pour diminuer le nombre très élevé des élèves par classe. Mettre en place des clubs de patriotisme dans tous les établissements scolaires. En clôturant, le président de l'Assemblée nationale, il a dit que le bureau de cette institution compte inviter le ministre de l'Éducation, mais aussi celui de la Justice, afin de leur exposer tout ce que ses représentants du peuple souhaitent à propos des élèves accusés de ce gribouillage des photos du président de la République du Burundi. Merci à Blaise Célestin Ndihokubgayo. Page économie sans transition. À la Banque centrale accuse certains détenteurs des bureaux de change de chercher à gagner trop. Le gouverneur de la BRB, Jean Chiza, lors d'une réunion ce jeudi avec les opérateurs économiques, a affirmé que les devises ne sont pas obtenues comme à l'habitude. Le retrait de certains pays partenaires financiers du Burundi a aussi une influence, mais non plus ce n'est pas une situation que connaît seulement le Burundi. Suivez Jean Chiza, gouverneur de la BRB. Il y a eu gel, il y a eu réduction des appuis suite à la situation dans laquelle nous sommes. Mais vous savez que les partenaires ont promis qu'ils ne vont pas abandonner le Burundi. Ils vont faire passer leurs sources de financement à travers les ONG et autres, ASBL. Et c'est cela qui se fait. Donc, globalement, les fonds viennent peut-être pas au même rythme qu'auparavant, mais les fonds sont encaissés à la Banque centrale. Et chaque mois, on a une moyenne, surtout du côté des ONG qui œuvrent localement, d'au moins 18 millions par mois. C'est vrai que la situation n'est pas reluisante par rapport aux périodes antérieures, mais la situation n'est pas particulière pour le Burundi. C'est aussi un phénomène qui s'observe au niveau mondial. Cela suit la situation de la crise financière qui perdure. Si le commerce était fait suivant la réglementation, il n'y aurait pas d'influence substantielle sur le marché. Avec cette situation, ces bureaux de change créent même la panique qui ne devrait pas y avoir. Parce que si quelqu'un veut des devises et que sur le marché, les bureaux de change, il a le dollar à 2500 alors que le cours officiel est 2670, vous comprenez que c'est très cher. Normalement, si ces personnes s'orientaient vers les banques commerciales, il n'y aurait pas ces écarts. Ce que la Banque centrale est en train de faire pour le moment, c'est de voir comment, évidemment, pour certains besoins sociaux, on est en train de voir comment la BRB peut s'orienter vers ce marché, le détourner des bureaux de change pour que, quand même, ils accèdent aux devises auprès des institutions agréées et qui sont supervisées par la Banque centrale, disons les banques ou même les bureaux, mais qui sont agréées et qui auront cette tâche. Et de leur côté, les détenteurs de bureaux de change dénoncent l'existence de changeurs ambulants qui seraient, selon eux, une des causes du manque de devises. Suivez l'un des changeurs de devises traduit en français par Gildas Rubelingabo. Ceux qui sont à l'intérieur, par exemple, imaginez quelqu'un qui vient dans Moyinga. Jadis, quand on s'approvisionnait en banque, on pouvait passer des jours à faire la queue en attendant d'avoir le dollar au prix de la BRB. C'était difficile. Attendre deux jours, tu loges à l'hôtel et on te donne 12 000 dollars. Ce que nous voudrions vous demander, c'est voir si la loi en vigueur correspondrait avec les moments actuels. Tu ne peux pas comprendre comment le taux fixé par la BRB est aujourd'hui de 1665 pour 1 dollar et le trouver à plus de 2500 sur le marché noir. Notre objectif est de travailler gagnant et développer notre pays. Mais l'État aussi doit élaborer des lois qui protègent le commerçant. En venant ici, je suis passé au marché chez Sillon. J'ai vu des changeurs ambulants plus nombreux que les détenteurs de kiosques tout près, avec des lots de billets dans les mains. Et nous nous demandons où on va finalement aller, nous les détenteurs de bureaux de change reconnus. Par exemple, à la frontière, à Kobero, ces changeurs irréguliers travaillent même devant les bureaux de l'OBR. Nous avons finalement été piégés car ceux qui ont la force sont ceux-là même qui sont ambulants. Aucun grossiste n'a désormais le droit de s'approvisionner en sucre dans une autre province. Tels sont les propos tenus par le secrétaire permanent au ministère du Commerce, Industrie et Tourisme au cours d'une réunion entre le deuxième vice-président de la République et les opérateurs économiques. C'était ce mardi. Samson Daizé explique qu'une telle pratique cause la pénurie du sucre dans la province d'origine. Suivez-le. La Sosumo dispose des quotas par province. S'approvisionner en sucre dans d'autres provinces, cela crée une pénurie et partant une hausse des prix. C'est pourquoi on met en garde tout commerçant qui sera attrapé en train d'acheter du sucre dans une autre province. Il sera puni selon la loi. Chaque province a sa propre quantité. Quand le sucre est en petite quantité dans une province donnée, les autorités parleront avec la Sosumo pour voir si ces quantités peuvent être augmentées. Je vous rassure, nous allons surveiller cette activité. Le secrétaire permanent au ministère du Commerce, Industrie et Tourisme était traduit en français par Evrard Ravyarimana. L'importation des denrées alimentaires à partir de la Tanzanie tourne au ralenti au poste de frontière de Kobero. Au moment où certains habitants parlent d'une mesure de la Tanzanie interdisant l'exportation des vivres vers le Burundi, les agents de l'Office burundais des recettes à Kobero n'affirment ou ne confirment cette information, mais croient plutôt qu'il s'agit d'une conséquence de la dépréciation de la monnaie burundaise par rapport au shilling tanzanien. Les détails avec Dieudonné Nzeimana. À Kobero, au poste de frontière burundo-tanzanienne, l'office transfrontalier est normal, exception faite des denrées alimentaires. Le rythme d'importation des vivres comme le riz a sensiblement diminué depuis des jours, a-t-on constaté sur place. Des véhicules pleins de marchandises transitent vers le Burundi, mais pas de camions pleins de produits alimentaires. Des sources sur place parlent d'une mesure de la Tanzanie interdisant toute exportation des vivres pour protéger la production tanzanienne. Côté agent de l'office burundais des recettes à Kobero, personne ne peut confirmer ou infirmer cette information. Tout le le monde s'accorde sur le fait que l'importation des vivres à partir de Tanzanie est au ralenti. Quelques sacs de riz sont dédouanés sur place. Ce sont des motards tanzaniens qui se chargent du transport à partir du marché d'Okavango en Tanzanie. Les agents de l'Office burundais des recettes à Kobero croient plutôt à une conséquence de la dépréciation de la monnaie burundaise. À Kobero, vous échangez 10 000 francs burundais contre 8 000 shillings tanzaniens. Une première dans l'histoire, d'après des échangeurs croisés à Kobero. Situation inconfortable pour les Burundais s'approvisionnant sur les marchés tanzaniens. De Denis Zeymana, Kobero, Radio Isanganiro. L'entreprise Ebra Rudi vient de revoir à la hausse le prix d'un kilo de sorgho blanc. Dans un communiqué sorti ce mercredi, le kilo passe de 600 à 700 francs bou, une somme que va encaisser le cultivateur de ce sorgho. Comme indiqué par ce communiqué, cette nouvelle concerne surtout les cultivateurs du sorgho blanc des provinces Changuzo, Ruyigi et ailleurs. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Ce journal se poursuit sur la page sécurité. Une personne a été arrêtée ce mercredi à la 13e avenue numéro 5 au quartier Nyakabiga 2 en commune urbaine de Mukaza. Niragira Placide a été accusé de posséder des effets suscitant des interrogations. Les informations provenant de sa famille indiquent qu'ils ne savent pas où le leur a été conduit. De son côté, le porte-parole de la police nationale indique que si réellement ce jeune a été arrêté par des policiers, sa famille devrait se renseigner auprès du chef de poste dans cette zone de Nyakabiga. Et trois personnes ont été arrêtées par la police cette nuit sur la colline Buringa de la commune Gihanga en province Bubanza. La police à Gihanga fait savoir que ces trois hommes ont été arrêtés en possession de matériel de communication des forces de l'ordre et de sécurité. Leur famille parle d'un montage car l'accusateur n'est même pas connu dans cette commune. Les détails avec Spes Caritas Kabanyana. Les trois hommes, Sengiyumva Théodore, Enrico Riner, Nsabimana Gérard et Nibaruta Aimable ont été arrêtés ce mercredi soir à leur domicile. Ils ont d'abord été interrogés pendant plusieurs minutes à Buringa même avant d'être embarqués pendant la nuit dans le véhicule de la police. Les familles de ces détenus ont cherché à savoir s'ils auraient été conduits au cachot de police judiciaire de Gihanga, mais on leur a répondu qu'ils ne sont pas détenus dans ce cachot et c'est par après qu'elles ont appris qu'elles sont au commissariat de Bubanza. Selon le commissaire provincial de la police dans cette province de Bubanza, ces trois hommes sont accusés de détenir des appareils de communication appelés Motorola, normalement utilisés par les forces de l'ordre. Dernier Emmanuel Nizigimana, commissaire provincial de la police, ajoute qu'il a saisi quatre Motorola et leurs chargeurs, ce qui refute catégoriquement ces familles de ces personnes incarcérées et parle d'un pur montage. Précisons qu'une fouille et perquisition avait été opérée samedi passé sur cette même colline de Buringa par la police. Et les sources policières nous ont appris qu'aucun objet suspect n'y a été trouvé. Spécialité Scaragnana, Bubanza, Radio Isanganiro. Toujours en page sécurité, un bâtiment abritant l'entreprise Bouhadek, une entreprise qui soutient les agriculteurs au chef-lieu de la province Chibitoke, a pris feu dans la matinée de ce jeudi. Les stocks de maïs et de pommes de terre sont partis en fumée. N'eût été l'intervention rapide d'un véhicule anti-incendie. Les maisons environnantes allaient prendre feu. La police à Chibitoke dit avoir commencé les enquêtes pour identifier l'origine de cet incendie. Le directeur administratif et financier de la régie des OAP, les habitants de la colline sur le réseau en zone Mouyira de la commune Kanyosha, a abandonné les branchements illicites sur les fils conducteurs du courant de la régie des eaux. Ces habitants ne nient pas qu'il y a ceux qui font de tels branchements, mais admettent qu'ils l'ont fait dans le but de signaler à cette société qu'ils ont besoin du courant, ce que confirme même l'administrateur communal. Il demande à cette société de distribution de l'eau et de l'électricité l'adduction de l'eau potable et l'installation du courant électrique sur cette colline dans les meilleurs délais. Un reportage d'Alain Désiré Boukéenèze. Les câbles électriques qui flottent au-dessus des habitations, c'est le décor de certaines localités de la zone Mouyira où il n'y a pas d'installation de la régie des eaux. La régie des eaux redoute le vol de l'électricité, ce que confirment certains habitants de la localité. Celui-ci explique que c'est parce que cette entreprise de distribution d'eau et d'électricité a refusé de leur raccorder en eau et en électricité. Il y a des gens qui ont voulu voler l'électricité. Depuis des années, l'administration et la population ont demandé que la zone Mouyira soit électrifiée. vérifier et que la zone de Mouira ait de l'eau en quantité suffisante et de bonne qualité. Nous avons demandé l'électrification de cette zone, mais en vain. Je pense qu'on va corriger ces erreurs. On est contre ces gens qui fraudent de l'électricité, mais nous profitons de cette occasion pour demander à la Régie des eaux de comprendre les doléances de la population. Mais maintenant, vous voyez, nous on est sur les centres de santé, il n'y a pas de l'eau. Les gens puisent de l'eau dans des rivières et dans des ruisseaux, ce qui cause des maladies. Vous savez, l'eau, c'est la vie. Jean-Baptiste Munzerere, administrateur de la commune Kanyosha, confirme que la population de Mouira ne cesse de demander le raccordement, mais en vain. Cependant, cet administratif leur demande d'arrêter ce vol. Dans nos visites au quotidien, ils soumettent chaque fois la question d'être servis en électricité. Certaines personnes se sont donné l'autorisation de se brancher en électricité. Nous avons toujours conseillé d'éviter cette fraude pour que la Régie des eaux puisse avoir cette volonté de servir la population. Vous allez soumettre à la Direction générale de la Régie des eaux que la population a tant besoin de cette électricité, la question de l'eau propre. Le directeur administratif et financier de la Régie des eaux décrit ces raccordements illégaux opérés par certaines de ces populations de Mouira. Il a été observé des branchements illicites en électricité. Nous avons pu effectuer cette visite afin d'apporter une solution à ce problème dans un futur proche, afin qu'il y ait des poteaux qui soient installés. Ce directeur au sein de la Régie des eaux fait savoir que l'installation électrique interviendra dans un futur proche dans le but de lutter contre ce vol d'électricité. Parlons à présent du lac Tanganyika qui est menacé par des déchets qui s'y déversent provenant des canalisations qui passent par l'endroit communément appelé Kumasé dans le quartier industriel de la zone Ngagara, c'est en mairie de Bujumbura. La population environnante craint d'attraper des maladies suite à l'insalubrité des lieux. Les détails avec Grace Nionzima, stagiaire à la radio Isanganiro. Arrivé à cet endroit communément appelé Kumasé, tu es interpellé par une odeur nauséabonde. La population environnante dit que ces déchets proviennent des canalisations qui se déversent dans le lac Tanganyika, comme nous l'avons constaté. C'est par là où les acides et les déchets passent. Par après, il y a une mauvaise odeur. Il y a d'autres déchets qui proviennent du camp militaire d'à côté. Et l'usine de tannerie de Pau laisse ses eaux usées se déverser directement dans le lac. Certains d'autres rencontrés craignent déjà des maladies. Elles indiquent en outre qu'elles ne peuvent pas pêcher car les eaux sont très souillées. Les produits usagés de ces usines font fuir les poissons et cela conduit à une baisse de rendement de la pêche. On ne pourrait pas identifier correctement ces usines, mais le constat est là quand on voit ces déchets. Ces gens demandent au gouvernement de trouver solution à ce problème. Si le gouvernement venait à consacrer une attention à cette question, la situation changerait. Parce que cette pollution peut entraîner plusieurs maladies comme celle de la peau. Les périssions devraient se faire au niveau de chaque usine avant de déverser leurs déchets dans le lac. On a longtemps crié, le ministère de l'Environnement et ses témoins le savent, on aimerait que les choses changent pour la sécurité de tout le monde. À la source, reportage. Le reportage du jour nous conduit en commune Mutimbuzi de la province Bujumbura, où certains habitants s'insurgent contre ce qu'ils appellent spoliation de terres dites paysannes par le directeur général du département de l'aménagement du territoire. De son côté, Niyonkuru Omer rejette cette accusation, disant que ses habitants de Maramvia ont mal interprété le décret présidentiel régissant les terres dites paysannes. Les détails, c'est dans ce reportage d'Evariste Nzikobanyanga. Il devrait y avoir un préalable, parce que comme nous le savons, le paysannat est pour... C'est l'un des habitants de Maramvia criant haut et fort que leurs terres dites paysannes sont en train d'être spoliées. Cet homme rencontré sur terrain est détenteur d'une étable. Il indique être surpris par ce qui se passe dans la localité de Maramvia. C'est une réaction de stupéfaction parce que nous savons que M. le Président de la République a rendu les paysannes aux paysans, à la population. Donc ce qui se passe, c'est inouï que des gens puissent venir réclamer un droit qu'ils n'ont pas sur ces propriétés. Ce service qui est sous, qui est en service de la République, du gouvernement, ose passer outre les décisions du président de la République. Ces services de l'urbanisme ont toujours voulu dire que les paysannes de Maramvia et aux alentours ne sont plus des paysannats, alors que tout prouve que le paysannat reste paysan. Et donc, pour la population. Même son de cloche avec le président de l'association des natifs de Maramza Gabima, Ngenda Emmanuel, indique ne pas comprendre pourquoi le directeur général du département de l'aménagement du territoire saisit leurs terres alors qu'il y a d'autres terres qui reviennent à l'État dans cette même localité de Maramza. Le directeur général du département de l'aménagement du territoire au ministère de l'Environnement juge non fondé les doléances de la population de Maramza. Omer Nyunguru explique que ces terres de Maramza ne sont plus paysannales et ajoute que ces derniers ont mal interprété le décret présidentiel de 2011 régissant les paysannats. Depuis 1984, n'étaient plus de terres qui constituaient des paysannats. Son Excellence le Président de la République avait instruit au service technique et radar aux fonciers de libérer les terres constituées des paysannats aux privés qui les exploitaient. Et la loi est claire, il dit que les parcelles constitutives des paysannats dont les occupations a été légale et régulière obtiennent la pleine propriété. Vous comprenez que donc, l'occupation n'était plus régulière à Maramza jusqu'en 2011 et n'était plus encore légale. Et pour dire que ces gens qui disent que donc ils voient les spoliés des terres, c'est pas vrai parce que c'est un domaine de l'État. Les habitants de Maramza ont révélé que le même département a déjà demandé à ceux qui ont déjà construit d'en se permettre en litige de détruire. Mais ce directeur général répond que le gouvernement n'a aucun plan de chasser qui que ce soit. Omer Nyunguru explique que des enquêtes vont être menées pour constater s'il y a eu violation de la loi. Si nous constatons au cas qu'ils ont occupé les terres domaniaux, nous nous allons donner le rapport à qui de droit, aux échelons supérieurs, et c'est eux qui vont prendre une décision. Mais aussi avec aussi une enquête très approfondie. Donc pour vous dire que ceux qui pensent qu'on va démolir les maisons, ce n'est pas du tout vrai. Mais il faut qu'ils sachent que si la vérité est là, donc on ne va pas échapper à la loi. À ceux-là qui réclament les terres de Maramza s'ajoutent ceux qui ont des champs de manioc dans cette localité, sommés de céder ces terres aux nouveaux acquéreurs de parcelles qui veulent manu militari débuter avec les travaux de construction. Merci à Evariste Nzikowanyanga pour ce reportage. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous qui nous avez prêté une oreille attentive. Merci également à Albert Ndouaille pour la parfaite collaboration technique. Excellente soirée à tous et à tous. Au revoir. Oh.